Hé hey. Fais enfoiré. BX stand partie 3, BX stand partie X. Libéré 6, NYMA, Kataguruma, Isaguruma, Maroki 43, Mafia Tarnapoli. Hey, trafic de pute, grammes de coke, 2-3 kilos de cheat. Ferme ta chatte et achète, y'a aussi des outils et pas mal de broutilles. Paris c'est Brooklyn, des fois c'est l'Argentine. Tu peux m'appeler Hussein, Hessen ou Poutine. Prince enfoiré, cousine, héroïne et résine. Demande à la voisine, c'est la Chine et l'usine. La police hallucine, Georges Brassens, rock voisine. Frappe ta max, voix du jack, effet secondaire. On va gifler ton père, respect quoi, j'ai pas fini mon verre. J'fais du sale pour pas finir au sol. J'te régale, short de tôle, c'est la nouvelle école. Ça rentre pour un demi-kill, ça reçoit encore pour rechercher une tonne. Faire des sommes, faut des hommes et la bonne méthode. Pour mon bien, j'fais du mal. Argent sale, mon cousin fait sa propre, les caves derrière la porte. 9, 2, 3, 9, 0, mets-le sur les cuissons. Le truc sort de la casserole, la grande distribution. Benson partie 3, c'est la réédition. La rue est à l'écoute, j'ai toute son attention. 9, 2, 3, 9, 0, mets-le sur les cuissons. Le truc sort de la casserole, la grande distribution. BX Band partie 3, c'est la réédition. La rue est à l'écoute, j'ai toute son attention. L'argent t'achète, je sais combien ça rapporte. J'entends le bruit des menottes, demain je me téléporte. De toute façon j'encule la concurrence, ma bite dans concurrente. Algérie, Mauritanie, Colombie, Bolivie. C'est ça la symphonie, la chute dans ma folie. Axel Red, Diane Folie, Hélène et Caroline. De la pisse et du vomi, dis-moi c'est qui gère. Isaguruma, Kataguruma, faudra pas te laisser faire. J'encule le commissaire, je prends ma commission. J'ai pas 14 ans pour aller en mission. BX Band partie 3, c'est la réédition. T'as fait des sous, gardez bien pour toi. Je connais des gens qui rentrent chez toi, qui sont sans foi ni loi. C'est la Sinaloa, Dieu pour tous, mais c'est chacun pour soi. J'suis dans la rue des putes, comme un Bruxellois. Interpelle, Anderlecht, attends j'appelle Isma. 9, 2, 3, 9, 0, mets-le sur les cuissons. Le truc sort de la casserole, la grande distribution. BX Band partie 3, c'est la réédition. La rue est à l'écoute, j'ai toute son attention. 9, 2, 3, 9, 0, mets-le sur les cuissons. Le truc sort de la casserole, la grande distribution. BX Band partie 3, c'est la réédition. La rue est à l'écoute, j'ai toute son attention. La repute Colombie, de la cavale jusqu'à la cabane. Je regueule sa gorge, récupère de la gueudre dans un canal. Mais tout ça c'est banal et bienvenue sur Paname. Rotterdam envoie des monogrammes, y'a v'là les kilogrammes. Eh, Rosendal et Mani vend des armes. Fais-moi des signes, si y'a les hams, je roule sans casque et sans plaque. Je convertis ça en balle, je suis totalement rabat. Je vais à la rate, y'a plus rien qui m'arrête. Lève le compète et la police enquête. Les petits de la thèse veulent la recette, ils ont de l'argent en tête. Il faut que t'achètes ou ça traquette, c'est pas cher la plaquette. Y'a aussi de la zipette, t'as des tarots nickel, ça prend les comptes nickel. CS jusqu'au Minitel. Mandat dépôt ça devient criminel. Les keufs nous interpellent. Les citadelles ça devient des cartels. Y'a mes paluches sur le queussage. J'y tosse ma tarte à la veille. Appelle ça Banco N pour régler mes problèmes. 9, 2, 3, 9, 0, mets-le sur les cuissons. Le truc sort de la casserole, la grande distribution. BX Band partie 3, c'est la réédition. La rue est à l'écoute, j'ai toute son attention. 9, 2, 3, 9, 0, mets-le sur les cuissons. Le truc sort de la casserole, la grande distribution. BX Band partie 3, c'est la réédition. Soirée, bonne soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soirée, soir